Aujourd'hui, à la collection, 4 ans de prison pour un blogueur égyptien. Arrêté pour un film distribué sur Internet. Une étude montre que le oui permet aux jeunes de perdre du poids. Tout ça et plus tout de suite, c'est l'heure du jeu. Bonjour et bienvenue à la collection, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Mon nom est Mathieu Plante pour vous parler des nouvelles qui vous intéressent, des choses qui vous importent le plus. Cette semaine, dans le fil informatique, on va entre autres parler du iPhone. Apple et Cisco se sont enfin entendus. On va aussi parler d'un concurrent pour les têtes à claques et d'un cheval de Troie qui a expédié un juge en prison. Ça va être quelque chose d'absolument gros et génial, mais avant de passer au fil informatique, on va continuer notre série en concert. Depuis quelques semaines, notre série, c'est Chrono Symphonic Cinematic Interpretation, qui reprend la musique du jeu Chrono Trigger et puis la refait avec un genre d'ambiance de film, d'ambiance cinématographique. On va entendre la pièce numéro 3 qui est Blue Skies Over Guardia par Dark Sword. La pièce utilisée dans le jeu original, c'est Guardia Millennial Fair. On parlera de la série un petit peu plus tard à l'émission, mais tout de suite, voici cette pièce dans la série en concert à la connexion sur CFOU 89.fm. Blue Skies Over Guardia par Dark Sword dans la série En Concert à la Connexion sur C'est Fou 89 FM. Parlons un petit peu de cette série qui se nomme Chrono Symphonic. En fait, ça s'appelle Overclocked Remix Side Project Chrono Symphonic. Vous pouvez le retrouver au chrono.ocremix.org. Ce que c'est un projet qui a pris beaucoup de temps à faire. Ça a commencé à l'automne de 2004 et ça a terminé à l'hiver 2006. Un genre de petit cadeau d'amour fabriqué par les fans de Chrono Trigger. En fait, ce qu'ils voulaient faire, c'est une trame sonore pour un film de Chrono Trigger qui n'existera probablement jamais. Mais c'est 18 différents artistes qui ont pris différentes pièces de ce jeu-là, Chrono Trigger, sur la Super Nintendo, pour faire une trame sonore orchestrale pour un film fictif de Chrono Trigger. Donc voilà, c'est très bon. Et on va continuer cette série-là pendant les prochains mois. Cette série comprend 25 pièces. On a entendu jusqu'à maintenant les pièces 1, 2 et 3. Plus tard dans l'émission, on aura la chance d'entendre la pièce 4. To Lands Unknown. Mais maintenant, continuons avec le fil informatique ici à la Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Et on commence par une nouvelle assez étrange. Un jeune blogueur égyptien vient d'être condamné à une peine d'emprisonnement de 4 ans pour avoir insulté l'islam, son prophète Mahomet et le président égyptien dans un article de l'Associated Press. Selon un article de l'Associated Press, dans son blog, Abdelkarim Nabil avait attaqué avec virulence l'université islamique Al-Azhar, l'ancienne institution scolaire où il étudiait, la qualifiant d'école pour le terrorisme. L'université a renvoyé Abdelkarim Nabil avant de décider d'entamer des poursuites judiciaires contre lui. En plus de s'en prendre à son ancienne université, Abdelkarim Nabil avait écrit des propos incendiaires contre le régime du président égyptien Hosni Moubarak, le qualifiant de symbole de la dictature. Le juge a condamné le jeune blogueur à 3 ans de prison pour avoir insulté l'islam et tenté de soulever une révolte contre l'autorité publique, ainsi qu'un an d'emprisonnement pour avoir insulté le président du pays. C'est quelque chose que là-bas, la liberté d'expression, vous savez ce que c'est. On continue avec une nouvelle de Apple. Apple et Cisco ont enfin trouvé cette semaine un terrain d'entente dans le litige qui les opposait pour l'utilisation du nom iPhone. C'est un dossier qu'on suit depuis plusieurs semaines. Les deux entreprises sont libres d'utiliser la marque iPhone pour leurs produits dans le monde entier, ont déclaré Apple et Cisco dans un communiqué de presse conjoint mercredi soir. Toutefois, aucun détail de nature financière a été précisé par Apple et Cisco. Impossible donc de savoir quel montant la compagnie californienne a donné aux fabricants de matériel pour les réseaux informatiques. Cisco met ainsi fin aux poursuites judiciaires amorcées quelques jours seulement après que Steve Jobs ait présenté pour la première fois le nouveau téléphone cellulaire intelligent de Apple lors de Macworld au début du mois de janvier. Un Américain de 27 ans vient d'être arrêté par la police pour avoir distribué illégalement un film sur Internet après l'avoir obtenu d'un membre des Academy Awards, possédant le droit de vote pour choisir les lauréats aux Oscars. Donc, s'il est reconnu coupable d'avoir enfreint la loi américaine sur les droits d'auteur, Salvador Núñez Jr. pourrait recevoir une peine d'emprisonnement maximale de 3 ans. Interrogé par le FBI, le jeune homme a confirmé qu'il a reçu une copie des films Flushed Away et Happy Feet de sa sœur, un membre des Academy Awards et la Société internationale du film d'animation. Salvador Núñez Jr. a ensuite distribué illégalement les deux films sur Internet, ce qui a permis à d'autres internautes de les télécharger. Le FBI n'a toutefois trouvé que le film Flushed Away sur le disque dur du jeune homme portant plainte uniquement pour ce film-là et non pour Happy Feet. L'homme a pu être retracé par la police grâce à un système de protection maintenant qui laisse une empreinte en filigrane impossible à voir à l'œil nu dans le film. Le FBI a donc pu savoir que c'était la sœur de l'accusé qui lui avait donné une copie des deux films. Chaque copie du film a une trace particulière dessus qui permet de le détecter. C'est génial. Un golfeur professionnel américain tente de poursuivre en diffamation un internaute qui aurait écrit un texte incendiaire contre lui dans l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Fuzzy Zoller, qui a remporté de nombreux prix depuis le début de sa carrière professionnelle en 73, a entamé une poursuite la semaine dernière contre la firme de consultants en éducation Joseph Silny & Associates, d'où proviendrait l'adresse IP de l'internaute qui a écrit les propos diffamatoires. Dans la poursuite contre la firme, les avocats du golfeur réclament que l'internaute en question soit formellement identifié. Les commentaires diffamatoires écrits contre le golfeur ont été publiés une première fois dans Wikipédia en août 2006 avant d'être retirés quelques jours plus tard, puis en décembre dernier avant d'être retirés à nouveau en janvier. L'internaute anonyme a écrit que Zoller consommait abusivement de l'alcool et des drogues en plus d'avoir agressé sexuellement certains membres de sa famille. Par ailleurs, les avocats du golfeur ont spécifié qu'ils ne peuvent pas poursuivre Wikipédia directement puisque la législation américaine protège les gestionnaires de Wikipédia du contenu écrit par les internautes. Évidemment, sinon Wikipédia recevrait des millions et des millions de plaintes par jour à cause que les gens du public, comme vous et moi, qui pouvons éditer Wikipédia, dans le fond, qui sont les vrais responsables, ça tomberait sur le dos de Wikipédia. Donc, ils sont protégés par ça. Un nouveau service propose aux membres de MySpace qui trouvent qu'ils ont peu d'amis d'en acheter, selon un article du New York Times. Grâce à Fakerspace, un membre de MySpace peut donc s'assurer de la présence et de la participation d'une belle jeune femme en bikini ou d'un jeune homme au torse nu dans sa liste d'amis au coût $1 par mois par ami. Le problème, c'est que les photos des amis, et là c'est vraiment spécial, les photos des amis qu'on peut acheter sur Fakerspace proviennent en fait d'une banque d'images de mannequins qui appartient à iStock Photo et qui sont utilisées sans le plein consentement de l'agence. Donc, selon ce qu'ont déclaré les dirigeants d'iStock Photo, les photos de l'agence ne peuvent être utilisées pour donner l'impression que les messages sur MySpace sont écrits ou endossés par les mannequins. De son côté, le fondateur de Fakerspace, Brent Walker, se défend de mal utiliser des photos d'iStock Photo et considère son service comme étant avant tout altruiste. Il dit « Le but de mon site est de transformer un cyber perdant, un cyber loser, en un pôle magnétique de la communauté virtuelle. » Selon le New York Times, même si ce genre de service peut paraître malhonnête, il est tout à fait légal aux États-Unis, à condition qu'il n'enfreigne pas d'autres lois comme celles qui protègent les droits de reproduction. Vous pouvez aller lire l'article sur brochez-vous.com en passant par, oh, c'est la première fois que je le mentionne à vie, sur le nouveau site de La Connexion. Allez voir le www.unechance.com, www.unechance.com, et c'est là que vous allez retrouver les notes de l'émission, la balado-diffusion à chaque semaine en MP3, un paquet de liens pour La Chance au coureur, pour les panneaux assez fous et pour La Connexion. C'est magnifique. Vous allez aussi voir les dates des prochaines diffusions. Donc, c'est le www.unechance.com. Continuons le fil informatique avec un cheval de Troie qui expédie un juge en prison. Un juge américain a été condamné à 27 mois de prison pour possession de pornographie juvénile, ses contenus ayant été détectés sur son ordinateur après une infection par un cheval de Troie. C'est vraiment, vraiment particulier. En 1999, le Canadien Brad Willman commençait à fréquenter des groupes de discussion susceptibles d'héberger des pédophiles et proposait aux utilisateurs un cheval de Troie déguisé en contenu pornographique impliquant des mineurs. Une fois la bestiole installée sur les PC, le pirate informatique pouvait s'y introduire à sa guise et explorer le contenu des disques durs pour ensuite dénoncer les coupables aux autorités. Sur le PC d'une des victimes de son cheval de Troie, le juge américain Ronald Klein, Brad Willman a trouvé suffisamment de contenu pour que les autorités policières décident de lancer une enquête. Après 6 ans de procès, le juge a finalement été condamné la semaine dernière à une peine de 27 mois de prison pour possession de pornographie juvénile. Selon Graham Cluley de Sophos, la longueur du procès pourrait s'expliquer par le fait que les preuves contre Ronald Klein ont été recueillies à l'aide d'un cheval de Troie. Wow! Ça, c'est... En tout cas, sans commentaire. L'industrie du disque, un peu comme toujours, sans commentaire. L'industrie du disque propose aux pirates une entente à l'amiable moins coûteuse avant que des plaintes ne soient déposées officiellement devant la justice américaine. Et là, ça va peut-être faire plaisir à des gens. Je sais pas qui, mais en tout cas, on va voir si ça va fonctionner. Pour cette première vague, nouveau genre, la Recording Industry Association of America, la RIAA, a expédié des lettres à 13 universités américaines demandant aux responsables des institutions de faire parvenir les nouvelles propositions d'entente aux utilisateurs concernés. Quelques 400 étudiants et employés de 13 universités américaines vont recevoir une proposition d'entente à l'amiable moins coûteuse et éviteront de voir porter contre eux une plainte officielle pour piratage de musique. La RIAA justifie cette action par le fait que le piratage dans les réseaux d'échange de fichiers est toujours très présent sur les campus américains. Le vol de musique demeure beaucoup trop élevé et mine la capacité de l'industrie à investir dans la nouvelle musique. Selon le chef d'exploitation de la RIAA dans le communiqué diffusé dans le réseau Collegiate Press Wire, donc l'industrie du disque propose aux pirates une entente à l'amiable, moins coûteuse. D'accord. Ensuite, on passe à Microsoft. Après la vidéo sur demande, le logiciel à la demande, c'est ce que Microsoft veut faire. Ils ont entrepris de tester dans quelques pays comme le Mexique, l'Afrique du Sud et la Roumanie une nouvelle méthode de distribution de ces logiciels. Ça s'appelle Pay As You Go. Cette technique s'apparente à une location pure et simple de produits comme la suite bureautique Office 2003. Si elle suscite de nombreuses réticences dans les pays occidentaux, cette méthode de distribution pourrait permettre à la firme de Redmond, de Microsoft, de renforcer sa présence dans les pays émergents et éventuellement de proposer une alternative aux pirates de ces logiciels. C'est un article de Cubic.com qui continue en disant que, pour l'instant, Microsoft se contente de mener quelques expériences histoire de voir comment les marchés locaux vont répondre à cette nouvelle proposition de distribution. Le site Ars Technica, qui relate l'expérience de ce projet, indique que l'éditeur facture aux alentours de $15 par mois un accès à la suite Office 2003. Ce programme de location donnerait, d'après un porte-parole de la firme, aux consommateurs l'occasion d'obtenir une version légale à un faible prix d'entrée, avec la flexibilité d'échelonner les paiements au cours du temps et de renouveler que lorsqu'ils le désirent. Si vous voulez voir la suite de l'article et les explications de comment ça fonctionne exactement, allez voir l'article qui se nomme « Microsoft teste la location de logiciels » sur le www.unechance.com. On se rappelle il y a quelques mois, en fait, je vous dis pas de quoi vous vous rappelez, là. Si vous en rappelez, c'est bien le fun. De Pirate Bay, le groupe de pirates qui se charge de distribuer des contenus illégaux sur Internet à travers le réseau de partage de fichiers BitTorrent, annonçait le lancement d'une collecte de fonds pour pouvoir se payer l'île de Sealand. Il voulait s'acheter une île physique afin de mettre sur pied son propre État indépendant. Quelques semaines plus tard, le groupe annonçait que l'achat de Sealand ne serait pas finalement possible, ajoutant qu'il allait continuer les investigations et la collecte de fonds pour acheter d'autres îles souveraines pour réussir à faire du partage de fichiers semi-légal selon leurs propres lois. Donc, cette semaine, on a appris dans le journal suédois The Local que The Pirate Bay a finalement décidé d'abandonner ce projet. Ils ont décidé de laisser ça de côté pour l'instant. Ça, c'est un des chefs du groupe qui réside à Stockholm qui a dit ça. The Pirate Bay ne serait toutefois pas déçu pour autant, car le groupe aurait finalement profité d'une certaine forme de publicité, évidemment, et les 20 900 $ déjà collectés pourraient être utilisés prochainement pour renforcer les activités du groupe qui n'hésite pas à jouer avec le feu. Évidemment, c'est du partage de fichiers. À ce sujet, on rappellera que dernièrement, le groupe a mis au point un site nommé Oscar Torrent qui propose tout simplement de télécharger illégalement, via BitTorrent, l'ensemble des longs métrages nommés pour les Oscars. The Pirate Bay parle également de la construction d'un mémorial dédié à ce qu'ils ont accompli, visible depuis Google Earth ou Google Maps, histoire de gagner encore en visibilité. En attendant, l'ensemble du groupe devrait rester basé en Suède. Plus rapidement sur les dernières nouvelles, au lendemain de la 79e édition des Oscars, la société BitTorrent a annoncé l'ouverture de son service de téléchargement de films et de séries télé avec la ferme intention de convertir aux joies de la légalité les internautes qui utilisent aujourd'hui son logiciel de partage. Baptisé BitTorrent Entertainment Network ou BEN, ce service proposera dans un premier temps des films et des contenus vidéo de Warner Brothers, de la 20th Century Fox, de Lionsgate Entertainment, de Paramount et de MTV. La musique et les jeux vidéo vont suivre très prochainement. Pour vous rendre... Ah, et ça veut dire aussi que la section jeux vidéo a été ouverte sur BitTorrent.com maintenant. Donc, allez voir sur BitTorrent.com pour plus d'informations. Sautons par-dessus quelques nouvelles. Je vais laisser des articles sur le site. Vista serait moins bon que XP pour la productivité à cause du temps que ça prend pour, par exemple, réduire une fenêtre. Il y a une étude qui a été menée là-dessus si vous voulez voir l'article. Extrêmement long, mais très bien détaillé. Il s'appelle Vista moins bon que XP pour la productivité sur unechance.com. Le terrorisme, tiens, quelques nouvelles rapides de Radio-Canada selon Bruno Guglielminetti, notre bon ami. Parfois, on dit que les univers virtuels peuvent étrangement ressembler au monde réel et l'apparition de l'organisation SLLA dans l'univers virtuel de Second Life sur un jeu vidéo, Second Life, tend à vouloir confirmer cette impression. La Second Life Liberation Army, l'armée de libération de Second Life, vient de prendre vie dans l'univers de SL pour revendiquer plus de démocratie dans l'univers créé par l'entreprise de Linden Labs. Pour le moment, la direction de Second Life semble vouloir laisser vivre le groupe terroriste et même les laisser construire un repère virtuel. Mais la direction dit les avoir à l'œil et en cas de violence virtuelle, les détenteurs des avatars militants pourraient bien être bannis du jeu et peut-être même avoir droit à une poursuite dans l'univers réel pour vandalisme ou intimidation. Québécois vient de mettre en ligne son portail Espace Canoë. Vous avez peut-être même fait votre propre blog déjà. Eh bien, il a été annoncé en grande partie comme une réponse à YouTube et à MySpace. Le portail, selon Bruno, livre la marchandise. Facile à utiliser, l'outil a tout ce qu'il faut pour permettre à bien des Québécois de faire leur petite niche sur Internet et peut-être même de bloguer de temps à autre pour aller voir et faire votre propre blog, poster des vidéos, faire un paquet de choses excitantes. Allez voir www.espacecanoe.ca, www.espacecanoe.ca. Canoë.ca, Canoë sans l'accent évidemment. Et on termine par le fournisseur de services cellulaires. En fait, c'est un retour sur une nouvelle de la semaine dernière. TELUS a décidé de céder devant le lobby qui s'opposait à son service de contenu pour adultes. TELUS retire le service tout simplement. Entre-temps, TELUS et l'entreprise Empty Canada préparent quand même le lancement pour la mi-mars d'un portail qui va offrir du contenu adulte par téléphone cellulaire. D'ailleurs, le site Empty Canada au ampd.ca offre déjà un avant-goût sobre de sa programmation sur son portail. Petit rappel, ce que c'était, c'est qu'il y avait un archevêque ou quelque chose du genre qui disait que le Canada au complet devrait bannir TELUS parce que TELUS offre de la pornographie payante sur ses téléphones cellulaires. Enfin, c'est comme ça que ça se passe de nos jours, c'est ce que je voulais dire. Avant de passer en publicité, allons voir le zeitgeist de cette semaine. Les mots-clés qui ont gagné le plus de terrain sur Google aux États-Unis pour la semaine se terminant le 24 février 2007. Encore quelques mots qu'il va falloir chercher en temps réel. En cinquième position, on retrouve l'émission de télé American Idol. En quatrième, c'est Bridget Moynihan qui m'a l'air d'être une... une actrice. Voilà, quelque chose du genre. Ensuite, en troisième position, on retrouve Antonella Barba. Il y a de plus en plus de choses étranges, mais ça, c'est une participante à American Idol, justement. En deuxième position, Lunar New Year, c'est le nouvel an, je crois, chinois. Et en première position, c'est Britney Spears qui, bon, vous le savez, toutes les rumeurs autour de cette femme. Incroyable. Et un autre petit top avant de partir, le palmarès des agrégateurs RSS. C'est Feedburner, un important fournisseur de services RSS qui les file de nouvelles sur Internet, dresse un portrait du marché des agrégateurs RSS basé sur le web à partir de ses statistiques internes. Les voici. MyYahoo est à 54%, Google avec Google Reader est à 21%, Bloglines à 11%, NetVibes à 9%, Live.com de Microsoft est seulement à 3%, donc grosse part de marché à rattraper. Et l'autre ensuite, c'est NewsGator qui est en deuxième position. Cependant, en considérant les fils RSS qui sont visionnés plutôt que cliqués dans les agrégateurs, Google à 59%, Bloglines 33%, NewsGator 3% et NetVibes 3%, donc Live.com de Microsoft n'est même pas dans le top. Voilà qui fait le tour des choses les plus vues sur Internet. Au retour, il nous reste une dernière nouvelle sur un concurrent pour les Tataclacs. Ensuite, on passe au fil jeux vidéo. Vous écoutez La Connexion, émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo sur CIFO 89.fm. La Connexion, une présentation à Playbox, 3210, boulevard des Forges. Bon retour sur la deuxième moitié de La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Mon nom est toujours Mathieu Plante. On entame le fil jeux vidéo et la chronique, le plancher, le retour de la chronique des gens stupides qui font des choses stupides dans le domaine des technologies. Mais avant de faire ça, on passe à la quatrième pièce de notre série en concert qui se nomme Chrono Symphonic. Voici tout de suite cette quatrième pièce et on revient à La Connexion sur CIFO 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Faut se calmer avec cette série-là, c'est tellement relax. Unknown de Sleepy Amp dans la série en concert Chrono Symphonic à La Connexion. Pour plus d'informations sur cette série-là, comme toujours, chrono.ocremix.com, on en parle à chaque semaine, c'est très très bon. On continue avec, il nous reste une nouvelle dans le fil informatique pour le clore enfin. Il y a un nouveau site qui présente des vidéos humoristiques s'inspirant des têtes à claques. Si vous voulez aller voir twits.tv, twitz.tv, j'ai vraiment pas aimé. Tout comme tête à claque, mais quand même. Donc, si vous voulez aller voir ça, c'est au moins www.itz.tv et l'adresse du site. Voilà. Maintenant, c'est l'heure de faire le plancher des gens stupides qui font des choses stupides dans le domaine des technologies. Commençons au Japon. Les nouveaux robots humanoïdes japonais savent désormais servir le thé aux humains et laver les tasses. Mais le plus difficile est désormais, selon des chercheurs japonais, de leur apprendre à tirer les leçons de leurs bêtises pour ne pas casser plus d'une fois la vaisselle. C'est selon l'agence France Presse. Une unité de recherche de l'Université de Tokyo a présenté mercredi une nouvelle version de robot d'assistance à domicile, le HRP 2W, capable de s'adapter aux gestes de son maître. pour lui créer l'environnement le plus satisfaisant, mais pas encore d'améliorer son comportement de lui-même. Au cours d'une expérience devant les journalistes, le professeur Tomomasa Sato s'est fait servir de façon improvisée une tasse de thé dans son sofa par un HRP2W, lui obéissant aux doigts et à l'œil. Il entendait ainsi démontrer que les robots sont désormais capables de comprendre d'eux-mêmes les gestes et les paroles des humains et d'adapter leur comportement en conséquence. La prochaine étape est d'apprendre aux robots à gérer les imprévus, comme le fait de casser une tasse. Selon l'équipe de recherche, ils vont devoir mémoriser les informations tirées des différentes situations rencontrées. De nombreuses équipes de recherche travaillent au Japon sur le développement de robots d'assistance domestique, estimant que la main-d'œuvre humaine risque à l'avenir de faire défaut pour répondre aux besoins croissants d'aide aux personnes âgées et aux enfants. Voilà. Donc, un robot qui fait tout. Oh, c'est beau. À Amsterdam, comment rencontrer l'amour de sa vie si on a 3 ou 4 chiens et autant de chats? Eh bien, il est apparemment pas facile de trouver un partenaire qui partage votre amour des animaux. Selon Reuters, un site internet en néerlandais qui s'appelle dierenmans.nl, dierenmans.nl, propose de mettre en contact des âmes solitaires qui se trouvent dans cette situation et préféraient se condamner au célibat plutôt que de se séparer de leurs animaux. Donc, et je cite, ici, vous pouvez trouver quelqu'un qui est aussi dingue que vous des animaux. C'est Betty Mercy qui a lancé ce week-end le site Animals and Humans. La dame en question possède elle-même 13 chiens et 4 chats avec son ami. Et jusqu'ici, 13 personnes se sont inscrites, en majorité des femmes. En Chine, un homme de 26 ans souffrant d'obésité est décédé, samedi devant son écran d'ordinateur après avoir joué sans répit à des jeux vidéo sur Internet, selon le China Daily. Le jeune homme pesait plus de 150 kilos ou 330 livres. Il est mort après avoir passé la presque totalité des 7 jours fériés du Nouvel An chinois devant son écran, selon ses parents. Selon Zhu Yan, un enseignant également cité par le quotidien, les adolescents et les jeunes adultes chinois se tournent de plus en plus vers Internet et les jeux informatiques lorsqu'ils n'ont rien à faire, en particulier durant les jours fériés. Malgré certaines restrictions imposées récemment par le gouvernement du pays asiatique, le nombre de cas de personnes souffrant de dépendance à Internet et aux jeux informatiques serait constamment en hausse. Par exemple, 2,6 millions d'internautes chinois en bas de 18 ans, soit 13% des adolescents qui vont régulièrement sur le web, seraient dépendants d'Internet ou des jeux vidéo, selon le China Daily. Wow. Assez parlé de gens stupides qui font des choses stupides, parlons un petit peu de jeux vidéo avec le fil jeux vidéo. Sony a annoncé que 2 millions d'unités de sa console PlayStation 3 vont être livrées aux détaillants nord-américains à la fin du mois de mars, ce qui devrait régler la pénurie de PlayStation 3 au Canada et aux États-Unis. Grâce à cette livraison en mars, ils vont être capables de combler la demande nord-américaine pour la PS3 en avril ou en mai. C'est ce qu'a déclaré l'agence britannique Reuters, Jack Tretton, le directeur général de Sony Computer Entertainment en Amérique du Nord. Questionné par Reuters sur les rumeurs voulant que la pénurie soit partielle et que certains détaillants possèdent en fait déjà plusieurs exemplaires de la console qui ne sont pas capables de vendre, Jack Tretton a répondu que l'information était erronée. Et d'ici le mois de mars, Sony s'attend à avoir livré un total de 6 millions d'unités de la PlayStation 3 dans le monde, 5 mois après son lancement en novembre. Rappelons que la concurrence dans le marché des consoles est féroce. Microsoft, Nintendo et Sony se la livrent depuis des années. J'espère que vous savez ça. Si vous écoutez la collection moyennement, si vous savez pas, on veut pas de vous à la collection. Non, c'est pas vrai. On vous aime que vous soyez débutant ou un connaisseur. Xbox Canada a annoncé un nouvel ensemble pour la Xbox 360. C'est maintenant disponible, mais seulement pour les résidents du Canada. Donc, pour 500$ canadiens, vous allez pouvoir mettre la main sur une console Xbox 360, le jeu Call of Duty 3 et un abonnement d'un mois à Xbox Live Gold. Cette offre est disponible pour un temps limité et ça représente des économies de plus de 69$. Si vous voulez les informations, allez voir un nouvel ensemble canadien pour la Xbox 360 dans les notes de l'émission 156 de la collection sur le www.unechance.com. Grâce à son nouveau statut de développeur Wii pour la Nintendo Wii, la compagnie britannique Data Design Interactive a annoncé son intention de porter 12 jeux de PlayStation 2 sur la console Nintendo Wii. Très très bonne nouvelle. 6 sont prévus pour la première moitié de 2007 et les 6 autres pour la seconde. Les six premiers titres sont Monster Trucks Extreme Off-Road Edition 1, Urban Extreme 2, and the Mythmakers Range of Supercar GP, qu'est-ce que ça veut dire, j'ai aucune idée, et Billy the Wizard et Ninja Breadman et Elvis Rock'n'Roll Adventure. Voilà. Aucun de ces jeux à petit budget n'a vu le jour en Amérique du Nord sur PlayStation 2, donc c'est pas des gros canons. Il est donc impossible de prévoir ce qu'il adviendra de ces jeux sur Wii. Il est important de comprendre que Data Design n'est pas reconnu pour ses jeux de grande qualité. C'est selon l'article de JXP.ca. Les joueurs peuvent tout de même espérer qu'un ou deux de ces 12 jeux sera moyennement intéressant. Sony a surpris et probablement déçu plusieurs futurs propriétaires européens de la PlayStation 3 vendredi dernier en annonçant le retrait de 2 puces sur la console, notamment le Emotion Engine de la PlayStation 2. Par conséquent, ce que ça veut dire, c'est la rétro, j'ai de la misère à dire ce mot-là, la rétro-compatibilité des jeux PlayStation 1 et PlayStation 2 ne fonctionnera plus avec ces puces dédiées, mais plutôt via émulation. Contrairement à la PlayStation 3 nord-américaine, qui peut faire fonctionner environ 98% des jeux PlayStation 1 et PlayStation 2, la version européenne va pouvoir en lire qu'un pourcentage limité. Pour le moment, on peut pas savoir, c'est impossible de connaître ce mystérieux pourcentage. Cette décision a été prise pour une seule et unique raison, sauver de l'argent sur les coûts de production des consoles. Et d'ailleurs, il faudrait pas se surprendre, selon l'article de jeuxexpress.com, dans un futur rapproché, les consoles japonaises et nord-américaines pourraient subir le même sort et donc que la PlayStation 3 actuelle pourrait devenir une denrée rare. À noter enfin que si le coût de production baissera suite à cette décision, le prix de vente va rester le même bande de... Selon le site officiel japonais de Nintendo, une nouvelle console vient de s'ajouter à la liste supportée par la Virtual Console. Donc, c'est SNK a accepté d'offrir son support avec des jeux Neo Geo. Pour l'instant, aucun jeu n'a été annoncé et on ne sait toujours pas si l'Amérique du Nord va pouvoir aussi profiter de ses classiques de la Neo Geo. Classique est un grand mot en termes de Neo Geo, mais quand même. Sur le même site, Nintendo annonce aussi que les premiers jeux MSX seront bientôt offerts au Japon. En effet, dès ce printemps, les joueurs vont pouvoir, au Japon, se retrouver patauger dans les jeux de MSX sur la Virtual Console de Wii. Le premier titre va être Eggy and Alest et il va coûter 800 Wii Points. Tellement obscur que j'imagine que ça ne vous intéresse probablement pas. Il y a quelques années, le producteur Jerry Bruckheimer a obtenu les droits de produire un film basé sur Prince of Persia The Sands of Time. C'est Walt Disney qui va s'occuper du projet. Le créateur de la série, Jordan Mechner, a écrit le script avec John August et ce dernier agit aussi comme producteur exécutif. Cette semaine, on apprend que Disney et Bruckheimer Films s'apprêtent à débuter la production avec l'intention de faire du film un gros blockbuster en 2008, probablement pendant la période estivale. De son côté, IMDb.com rapporte que c'est le jeune Australien de 19 ans Charlie Clausen qui va jouer le prince, mais c'est évidemment pas confirmé. L'article, un film de Prince of Persia par Disney sur unechance.com. Quelques petites affaires plus rapidement, selon une nouvelle étude réalisée par l'Université Liverpool, plus rapidement. Tout est rapide ici. John Moores, jouer pendant une année avec les manettes de la Nintendo Wii pourrait permettre de perdre 27 livres. Ce sont les chercheurs, l'échantillon de 5 filles et de 7 garçons entre 13 et 15 ans sur lesquels on a calculé les calories brûlées. La dépense énergétique et le rythme cardiaque a permis d'arriver à cette conclusion. Alors que jouer pendant 15 minutes avec une manette traditionnelle augmente la dépense énergétique de 60% par rapport au repos, jouer avec la Nintendo Wii augmente cet indicateur de 156%. Le rythme cardiaque atteint 130 battements par minute. Wow! Selon l'article de jeuxexpress.com, le gars qui a écrit la nouvelle se permet de dire « L'échantillon est trop petit pour faire des conclusions vraiment crédibles. » Mais quand même, avec des résultats comme ceux-là, disons que ça veut quand même dire quelque chose. Et d'après moi, c'est un petit peu trop évident, dans le sens que tu joues debout, tu bouges, pourquoi tu perdrais pas de poids? C'est juste logique. Et puis voilà, j'ai posté quelques articles sur Internet par rapport au site Internet de Québec solidaire qui a été saturé. Vous avez peut-être entendu parler de ça, j'imagine, après le passage d'un des deux porte-parole de Québec solidaire, Québec. Tout le monde en parle. Dimanche, plus de 300 000 personnes ont visité le site Internet, ce qui l'a fait planter. Quand le site Internet d'un parti plante, ça s'annonce mal. Apple a décidé de repousser à la mi-mars la sortie de son appareil de jonction entre la télé et l'ordinateur Apple TV, donc ça s'en va à mi-mars. Donc, pas une grande attente, mais quand même, ça va être très intéressant de voir comment ça fonctionne. Il y a une rumeur qui dit qu'Adobe pourrait lancer une version de Photoshop en ligne. Donc, faire du dessin en ligne, ce serait très intéressant ça aussi. Et voilà, qui fait le tour de ça. Avant de continuer en musique, on va faire le top des jeux les plus loués en date du 25 février. Les jeux, selon le Super Club Vidéotron, les jeux qui vous excitent. En cinquième position, on retrouve Dance Dance Revolution Supernova sur PlayStation 2. En quatrième, Angel 07 sur Xbox 360. En troisième, The Legend of Zelda Twilight Princess sur GameCube. En deuxième, c'est Guitar Hero 2 sur PlayStation 2. Et le jeu le plus loué en date du 25 février, c'est Lost Planet sur Xbox 360. Plus tard dans l'émission, ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire, les nouveaux jeux sortis en magasin cette semaine, le top d'un paquet d'autres choses, ça va être génial. Mais pour l'instant, on passe à la cinquième pièce de notre série en concert. On en parle au retour. À la connexion sur CFOU 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Ça pourrait pas être ailleurs. We'll be right back. La suite de la série Chrono Symphonic ici à la Connexion sur C'est fou 89.1. C'était la cinquième pièce. La semaine prochaine, on va entendre la sixième et sûrement la septième. Ça avance très vite. Il y en a 25 en tout. On va passer au travers dans les prochains mois. Mais maintenant, regardons par contre ce qui sort en magasin cette semaine. Le mois de mars est arrivé. Le printemps est arrivé. Les jeux commencent à ressortir. C'est comme des petites fleurs. Les possesseurs de PC vont être contents de voir apparaître Jade Empire sur leur machine, tandis qu'on notera la première mouture qui se veut un renouvellement de F1 sur PlayStation 3. Voici les nouveautés en magasin selon Arkgamers.com. Sur multiplateforme, sur PS2, PSP et Xbox 360, on retrouve Major League Baseball 2K7. On retrouve sur PlayStation 2, 3 et Portable, les trois PlayStation, MLB 07 The Show. Et sur PS2 et Xbox 360, c'est Samurai Warriors 2. Sur PC, on retrouve Jade Empire Special Edition, Great Invasions, The Sims 2 Seasons et Model Train 3D, ou des modèles de train. Sur PlayStation 3, on retrouve le jeu F1. Sur PSP, 300 March to Glory, Chili Con Carnage, le jeu avec le nom que j'adore, et Marvel Trading Card Game, un jeu d'échange de cartes. Sur Xbox 360, Bullet Witch, et puis Dance Dance Revolution Universe Bundle. Et sur Nintendo Wii, SSX Blur, les jeux de Nintendo Wii sortent toujours aussi lentement. Regardons sur GameSpot.com les jeux qui sont présentement disponibles, les plus populaires sur GameSpot. En troisième position, on retrouve The Legend of Zelda Ocarina of Time sur Nintendo 64 avec un score de 10 sur 10. En deuxième, Major League Baseball 2K7 sur Xbox 360 avec une date de sortie du 26 février. C'est tout récent, ça n'a pas encore de score, on dirait. Et en première position, c'est Supreme Commander de THQ, un jeu sur PC qui a un score de 8.7 présentement. C'est le top des jeux qui sont disponibles en ce moment même. Et la firme NPD a dévoilé la liste des 20 meilleurs vendeurs pour le mois de janvier sur les différentes consoles. En troisième, on retrouve Gears of War sur Xbox 360. En deuxième, c'est Guitar Hero 2 avec guitare sur PlayStation 2. Et en première, c'est Lost Planet Extreme Condition. Donc ça, vous pouvez voir le top 20 dans l'article Vente de janvier, Lost Planet au premier rang. C'est les jeux les plus vendus. Voilà. Ce qui s'est passé cette semaine, il y a tellement de choses qui se sont passées cette semaine qu'on n'aura pas le temps de faire le tour au complet, mais quand même, en 2001, c'était la sortie de Legend of Zelda Oracle of Ages et Oracle of Seasons pour la Game Boy Color. Le 28 février en 92, c'était la sortie de Contra 3 The Alien Wars sur quelle console? C'était sur... en 92, je m'excuse, c'était sur la Super Nintendo au Japon. Et en 97, c'était Turok Dinosaur Hunter sur la Nintendo 64 aux États-Unis. Et puis, voilà, qui fait le tour à peu près rapidement des deux derniers jours au moins dans l'histoire des jeux vidéo. Voilà. Il nous reste que quelques minutes, en fait 2-3 minutes pour regarder ce que je vais poster, même ce qui est déjà posté. La semaine passée, la semaine d'avant, si vous vous rappelez, j'avais promis que je mettrais les liens de ces émissions-là l'après-midi même sur un site temporaire. Je l'avais pas fait. Maintenant, ils sont tous là. Donc, l'émission de cette semaine, la semaine dernière et toutes les dernières émissions, tout est là. Cette semaine, entre autres, dans la chronique GoGo Gadget sur Internet, sur le unechance.com, www.unechance.com, vous allez pouvoir retrouver un article sur le masque USB pour purifier l'air. Un article sur un baladeur sans écran qui coûte 6 500 $. Il faut absolument que vous voyez ça, même que j'ai envie de lancer l'article juste pour voir si on a le temps d'en parler. Le Beer Launching Fridge, c'est génial. C'est des gars qui ont construit un robot qui tourne sur lui-même. Ce qu'il fait, c'est qu'il y a un frigo en dessous, je crois. Il prend la bière, il la met sur l'espèce de palette, il tourne, et ensuite, il y a une espèce de système de poulie, quelque chose de genre, et qui fait comme un slingshot, qui lance la bière à une distance précise. Et ils ont fait des tests. Le vidéo montre chacune de ces phases de test-là pour voir où ça se rendait. Et puis, ça fonctionne très bien. Ça va genre à 14 pieds, et tu peux attraper la bière dans ta main. Ils vendent ce robot-là, si je me rappelle bien. En tout cas, allez voir l'article qui s'appelle Practical Robotics Beer Launching Fridge dans la chronique Google Gadget. C'est super évident, c'est directement là. J'ai posté aussi un article sur une machine distributrice pour de la pizza. Et puis sur un coffre-fort en forme de laitue iceberg. C'est vraiment bien. Il y a aussi un gâteau de fête de World of Warcraft. Il y a une photo du premier serveur de Google. Et puis qu'est-ce qu'il y a? Un paquet de choses. Sérieusement, si vous voulez passer un après-midi amusant à surfer, si vous êtes au travail, vous savez pas trop quoi faire en ce jeudi après-midi ou mardi après-midi, si vous écoutez la rediffusion, allez sur le site www.unechance.com, cliquez sur la connexion numéro 156 pour les liens de l'émission d'aujourd'hui. C'est absolument génial. J'ai fait de superbes trouvailles. sans me vanter. Et voilà, ça fait le tour. C'était la connexion pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé. On est de retour évidemment la semaine prochaine, jeudi en direct à midi ou en rediffusion le mardi à midi. Moi, je vous retrouve à la chance au coureur qui change le cas horaire à partir de la semaine prochaine. Ça reste la diffusion originale le vendredi à 10h, mais la rediffusion sera maintenant le samedi à 17h. Et je vous retrouve aussi dans les palmarès C'est fou qui, eux, se passent toujours les vendredis de 17h à 20h, en rediffusion les jeudis de 13h à 16h. Mais pour cette semaine, si vous écoutez la diffusion originale, restez là pour la chance au coureur. De la part de moi-même, Mathieu Plante, et de toute l'équipe fictive de la connexion, faites attention à vos genoux. Bonne journée et bonne chance! Dash.com.